L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. On va parler de golf, c'était la chronique du club de golf de Saint-Pime avec notre président Rémi Curtinus. Salut Rémi! Bonjour David. Rémi, comment ça va tes préparations pour la chasse? Ça va super bien. Moi, j'étais en train de finir mon camp là, parce que j'ai débâti celui de mon père à l'automne passé. Puis là, d'ici une couple de semaines, ça devrait être terminé. Fait que, OK. Je ne suis pas chasseur, je suis plus trappeur. Ah, OK. Hey Rémi, Coupe Ryder qui s'en vient grand pas. J'en ai parlé ce matin dans le bulletin de sport local. On connaît l'identité des joueurs de Dolbo qui vont représenter le club de golf de Dolbo. Le club de golf de Saint-Prime, c'est qui va jouer? J'ai pas les noms. Okay. Gilles pourrait te dire ça mieux que moi, mais je sais qu'effectivement, la dernière qualification était en fin de semaine. Okay. Donc, les joueurs de Saint-Prime sont sélectionnés également. Okay. Rappelons, la Coupe Ryder, ça fait combien de temps que ça existe? Il me semble que je ne l'ai pas vu passer. Ça me semble que c'est la première année que je l'entends parler de ça. C'est la première année là, que ça se fait entre Dolbo et Saint-Prime. OK. Il y a eu l'interclub là, dont on a déjà eu l'occasion de parler là, entre tous les clubs de la région, y compris celui de Chibougamau-Chapin. OK. Mais l'interclub entre Dolbo et Saint-Prime, c'est une première année. Moi, j'aimerais ça. C'est ce que j'aimerais, moi. Je vais pousser encore en plus loin la Coupe Ryder, mais entre les meilleurs golfeurs du Saguenay contre les meilleurs golfeurs du lac. Ouais, tu m'en avais déjà parlé, puis je t'avais dit à l'époque qu'effectivement, ça serait une bonne idée, mais les joueurs du Saguenay et les joueurs du lac Saint-Jean s'affrontent déjà à l'interclub. Ça serait une autre compétition là, de faire ça sous la formule de Coupe Ryder. Mais c'est pas exclu, mais il n'y a pas beaucoup de participation dans les concours régionaux des joueurs du Saguenay okay. Cette année, okay. Malheureusement. Okay. Hey, le mois de septembre est commencé, il fait beau en tabarouette à part aujourd'hui. J'imagine que, puis là vous avez toutes sortes de promotions, Gilles m'en a parlé la semaine passée, même une promotion, ça va avec les degrés que ça va faire. Est-ce que ça a quand même augmenté là? Ben nous on a toujours notre promotion là qui connaît beaucoup de succès. Quatre joueurs, deux quarts, un panier de balles là puis une partie à 120$. Ça c'est extrêmement populaire. Mais on a des promotions aussi en fonction du degré de température là. S'il fait 20 degrés, 20$. S'il fait 24 degrés, 24$. À partir de 13h. Ça aussi, ça connaît pas mal de succès. OK. Parle-moi maintenant de ce qui s'en vient en fin de semaine. En fin de semaine, c'est il y a une mafia qu'on appelle vendredi entre les ventes du club. Là, c'est deux scores sur trois. Formule Stableford, là, c'est-à-dire avec handicap. OK. Puis dimanche, il y a un autre tournoi local. Là, je pense que c'est un deux balles, meilleure balle. Moi, je pense qu'effectivement, ça devrait être ça dimanche. OK. Hey, c'est pas la mafia qu'on pensait. Tu me fais peur pendant une seconde, là. Ouais. C'est pas la mafia qu'on pense, là. Non, il appelle ça une mafia parce que c'est une petite gageure, okay. Effectivement. C'est pas les mafiosos. Hey, en fait, tu as une pensée, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de semaine passée, on a eu, c'est la fin de semaine de la fin du travail, donc on a eu une formule là sur deux jours, quatre formules en fait, là, une par neuf, okay. C'est-à-dire alternative sur les par trois, deux balles meilleures balles sur les par quatre, puis continue sur les gains sur les par cinq. Okay. Puis la première journée, c'était six trous... trois drives de chaque, là, puis continue ce mulligan pour le reste. Après ça, six trous de chacun. Puis l'autre, c'était deux balles meilleures balles, quelque chose de ouais. Ça. C'est une formule sur deux jours par équipe de trois joueurs. OK. Ben, Rémi, on va te souhaiter la meilleure des chances, évidemment, pour la chasse. Je ne sais pas si on va être capable de t'en parler, tu es un chasseur, mais en tout cas, Gilles est là au pire aller. Puis, bonne chance pour la fin de l'année. Merci encore, M. Danny, et bon Le président du club de golf de Saint-Prime, Rémi Curtinus.